1, 2, 1, 2. My man que ça la prod. Ok, la femme au mic. Pourquoi la loupe, j'plaide le crime passionnel. La poigne de Jay Simpson me va comme un gant. J'ai la rime criminelle, quoi, t'es un flic. Filtre pour un juge d'instruction, t'as une commission rogatoire qu'un chef de poursuite. La réflexion s'impose, je suis mannequin ou rappeuse. Pause, est-ce que j'abuse quand je te dis tu es. Tu peux à l'avenir t'abstenir ce genre d'allégation. Je te plais, ouais, je fais souvent cette impression. Mes salutations distinguées à l'expression de mes arguments détaillés d'un poire apologiquement. Louveté, tonton, toujours dans le temps. Pas à la mode mais légendaire mon flow. T'entends, connexion entre ma plume et mon peuple. Seuls les incultes peuvent ne pas comprendre le culte de mon œuvre. Preuve contraire, il me semble bien que je kick, que les bouches pleuvent, je suis ouverte à toute critique constructive. Mika, c'est la sanction, le son met la pression. 9-3, je vais péter l'addition, l'addiction phonétique, allitération de S, assonance de voyelles. Mika, c'est la sanction, le son met la pression. 9-3, je vais péter l'addition, l'addiction phonétique, allitération de S, assonance de voyelles. God bless. Cher journal intime, si joint les lettres de motivation en réponse à l'appel d'offre. Madame, monsieur, je viens par la présente postuler pour le poste de MC. Appelle-moi Mika. Agapé Productions. On attaque sérieusement. Ok. Top, top, départ. Faire mes premiers pas dans ce monde est déjà une compétition. Apprendre à marcher, c'est connaître la chute. Mon parcours est une antiquité. Même la petite souris en avait après ma dernière lettre. Ex-sportive, championne de France sans titre. J'étais déjà dans le game avant de poster mes lyrics. Et c'est avec fair play que poliment je te viens mon couplet. S'il te plaît, j'ai la coupe pleine. Une plaie saigne même si je n'ai plus de chaîne. De gosse fois seconde herbe dans un trans ou EDF. Voilà, c'est vraiment physique les keufs. Bref, Mika c'est la sanction, le son met la pression. 9-3, je vais péter l'addition, l'addiction phonétique, allitération de S, assonance de voyelles. Mika c'est la sanction, le son met la pression. 9-3, je vais péter l'addition, l'addiction phonétique, allitération de S, assonance de voyelles. God bless. On poursuit le rythme sur les motivations de ma lettre. Sans vouloir offenser votre ancienneté, je respecte que les fachos ne lisent pas dans un livre ni entre les lignes de mes lèvres. Ta logiciel rap Bill Gates. Oppressé, je me vois dans l'obligation de presser la détente. La répression accrète mon silence. Et actionnaire, mon boubou n'est pas une tenue pour faire ta plonge. Le savoir c'est lutter contre l'ignorance, non. La vérité, je pense qu'elle dérange. Trop belle pour faire du rap ou féminine pour être consciente que le manque ne tombe pas autour de mon nombril. Tes yeux se pointent sur moi, une punchline visuelle. Une famille à nourrir, des racines qui ont besoin de s'exclamer. Telle est ma destinée, je me suis obstinée à croire qu'on est tous libres et égaux. Sans prétention, je suis là, mon charme ne rassure que l'ego. Mika, c'est la sanction, le son met la pression. 9-3, je vais péter l'addition, l'addiction phonétique, allitération de S, assonance de voyelles. Mika, c'est la sanction, le son met la pression. 9-3, je vais péter l'addition, l'addiction phonétique, allitération de S, assonance de voyelles. God bless. Je reste à votre entière disposition, bien sûr, pour un feat éventuel autour duquel nous approfondirons notre culture musicale. Veuillez agréer, madame, monsieur, mes sentiments les meilleurs. Que du love. Signez la loupe.